Why? Hello and welcome, bonjour, je m'appelle Eric Cooper et durant 60 minutes, eh bien, je suis le maître à bord pour vous offrir le meilleur de la musique folk dans cette émission La Croisière Folk, qui, je vous le rappelle, a un but, c'est de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Une page Facebook, nous avons ça, elle s'appelle La Croisière Folk, n'hésitez pas à la liker. We have a Facebook page called La Croisière Folk. Don't hesitate to like the page. And to the page, you can send us a little message. Au travers de la page Facebook, d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer un petit message. C'est peut-être utile de le préciser. C'est avec Amanda Pearl Shire, Put Me To Bed, que nous avons démarré cette programmation musicale, extrait de l'album West Cross Timber, un album que Amanda a sorti en 2009. Et on poursuit avec Michelle Canning, Hopelessly Yours, Charles Sizemore, Me and Jesus, extrait de l'album The Story Is. C'est un album sorti il y a déjà 20 ans, en 2002. Et puis, on nous parlera du mois de juin avec Jean-François Dutertre. Allez, accrochez-vous à vos baskets, prenez une bonne tasse de café. C'est parti pour le meilleur de la musique folk. Nobody does it for certain, in spite of all this hurting, got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. I know a man who once was a sinner. I know a man that once was a thug. I know a man once was a loser. He went out one day and made an altar out of a stone. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Jesus brought me through all of my troubles. Jesus brought me through all of my trials. Jesus brought me through all of my heartaches. And I know that Jesus ain't gonna forsake me now. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. We can't afford any fancy preaching. We can't afford any fancy church. We can't afford any fancy singing, but you know Jesus got a lot of poor people out doing his work. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Me and Jesus got our own thing going. Me and Mon père m'a marié, un vieillard il m'a donné. Mon père m'a marié, un vieillard il m'a donné. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Ne sait ni battre ni vanner, il ne sait qu'au foire zahadé. Ne sait ni battre ni vanner, il ne sait qu'au foire zahadé. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Il a su me rapporter un bâton d'amour ferré. Il a su me rapporter un bâton d'amour ferré. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. C'est pour m'y battre, m'y rouer, s'il me bat, je le battrai. C'est pour m'y battre, m'y rouer, s'il me bat, je le battrai. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été. Par un beau jour de la Saint-Jean, par un beau jour de la Saint-Jean, par un beau jour de la Saint-Jean, par un beau jour de la Saint-Jean, à la fenêtre de son logement, et bon, bon, bon de m'adorer, et bon, bon, bon de m'adorer, et bon, bon, bon de m'adorer, et bon, bon, bon de m'adorer. J'avais au moins passé le les amants, la belle voix, passez les amants. La belle voix, passez les amants, la belle voix, passez les amants. Elle voudrait bien en faire autant, et bon, bon, bon, ne m'a donné, et bon, bon, bon, ne m'a donné. Et bon, bon, bon, ne m'a donné, et bon, bon, bon, ne m'a donné. Elle a vu venir son galant, elle a vu venir son galant. Elle a vu venir son galant, elle a vu venir son galant. À quoi songes-tu d'un être dorant, et bon, bon. Bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné. Et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné. Voudrais lancer pour la Saint-Jean, voudrais lancer pour la Saint-Jean. Voudrais lancer pour la Saint-Jean, voudrais lancer pour la Saint-Jean. De dans ses bras, il la descend. Et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné. Et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné. La même chant de froment, la main dans un chant de froment, la main dans un chant de froment, la main dans un chant de froment. Il a soulevé son jupon blanc, et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon, bon, bon, on m'a donné. Par la passe, un vieux paysan, par la passe, un vieux paysan, par la passe, un vieux paysan, par la passe, un vieux paysan. Vous abîmez tout mon froment, et bon, bon, bon, on m'a donné, et bon. Dans cette émission La Croisière Folk, vous écoutiez Jean-François Dutertre qui nous parlait du mois de juin. Parlait du mois de juin. Un mois de juin qui se termine. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez fait de bien au mois de juin, à part manger des fraises et des cerises? Et tout de suite, eh bien, voici notre séquence 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, moi ça me va, si vous ça vous va, moi ça me va. C'est vous l'expert quand même. Hein. Séquence 1, 2, 3 dans laquelle on découvre un album, qui peut être un album, une nouveauté, ou bien un album un peu moins récent. C'est celui de Simon et Garfunkel que je vais vous faire découvrir. Live 1969. Alors c'est un album enregistré durant leur dernière tournée. C'est avant la sortie de leur cinquième et dernier album, qui s'appelle toujours d'ailleurs Bridge Over Troubled Water. Et nous allons écouter trois extraits, puisque c'est le principe. Trois chansons qui vous permettent de découvrir l'album. Comme ça, vous savez si oui ou non, eh bien, vous aurez envie d'acheter cet album et de l'ajouter à votre discothèque folk. Il y aura donc Mrs. Robinson, The Boxer et Cathy Song. Quand je regarde par la fenêtre, eh bien, les arbres bougent. Chez moi, il y a du vent. Il fait quel temps chez vous ? And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loved you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those you pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our fives. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Who could you, Mrs. Robinson? Jesus loves you more than you will know. whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. The candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turned its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. This is all, this will be on our new album. It's our last single for The Boxer. Seldom told, I strung my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, lie, lie. Lie, lie, lie, lie, lie. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. I am older than I once was, and younger than I'll be, that's not unusual. It isn't strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Lie, lie, lie. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, leading me to go. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glum that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Mm-hmm. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I hear the drizzle of rain like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held is true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain, there but for the grace of you go I. Dans cette séquence 1, 2, 3 d'aujourd'hui, c'est le superbe album de Simon et Garfunkel, un album live sorti en 1969, dont les morceaux ont été enregistrés à plusieurs endroits, toujours en 1969. Et je vous le rappelle, hein, nous écoutions Mrs. Robinson, The Boxer et Cathy's Song. Bien, est-ce que vous aimez lire des thrillers psychologiques ? Parce que je vais vous donner le synopsis d'un roman. Donc c'est une femme, elle erre sur la plage, elle est découverte par une nuit glaciale de novembre à Berck-sur-Mer, au nord de la baie d'Oti. Elle est frappée d'amnésie, elle ne sait plus qui elle est et ne possède qu'un petit sac contenant des lettres manuscrites qu'elle ne reconnaît pas. Alors c'est le synopsis que je viens de vous lire du dernier roman du docteur Daniel Bastien, Bientôt des Jaillères. C'est paru chez Armadan. Et moi ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous êtes intéressé pour écouter toute l'interview du docteur Bastien, eh bien vous allez simplement sur ma plateforme de podcast et le podcast vous permettra de découvrir donc cette interview où elle parle de elle un peu et où elle parle aussi de ce roman Bientôt déjà hier. Alors au départ elle est psy et je lui ai demandé comment est-ce qu'on devient auteur, comment est-ce qu'on passe en fait de psychologue à autrice. Voici ce qu'elle m'a répondu. C'est une question bien difficile. je suis pas certaine que j'ai la réponse tout à fait précise. Ce que je peux dire, c'est que évidemment ma vie professionnelle de psychanalyste fait que je passe la plupart de mon temps à écouter des histoires de vie. Dans une grande majorité, évidemment, des histoires de douleur et de souffrance, puisque les gens ne viennent pas chez moi juste pour voir un psychanalyste, mais souvent parce qu'ils ont des douleurs et des symptômes de vie qui les empêchent de vivre. Donc c'est vrai que je passe ma vie à écouter des histoires. Alors pourquoi est-ce que en plus j'ai envie d'en écrire d'autres ? Je ne sais pas très bien. Je dirais que l'écriture, pour moi, c'est quelque chose qui s'impose à moi à un certain moment. Je ne choisis pas d'écrire. C'est à un certain moment, à un certain moment, ça se met en route. Et j'ai une idée très, très vague de ce que je vais écrire, mais vraiment très, très vague. Dans Bientôt, déjà hier, c'était vraiment très peu précis. J'avais deux idées en tête et puis voilà, et puis c'est devenu ce roman. Donc, mais alors je me laisse faire par l'histoire et par les personnages. Donc, et c'est ça qui est assez magique et en même temps très étonnant parce que je peux pas. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent tous les jours au bureau au matin et qui écrivent X heures par jour. Moi, je sais pas faire ça. Je n'y arrive pas en fait. Par contre, quand l'écriture insiste, quand elle est là. Eh bien, comme je dis, j'ai l'impression que les personnages prennent vie en moi. Donc, c'est un peu eux qui dirigent l'histoire à un certain moment. Alors, bien sûr, ça vient de mon inconscient, ça vient pas de nulle part. Mais je sais pas, en fait, ce que je vais écrire quand je commence. Merci, Daniel Bastien. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez connaître toute l'interview du docteur Bastien qui nous parle de ce livre, Bientôt déjà hier. Et j'ai fait une petite erreur. En fait, c'est paru chez Academia. Si vous voulez en savoir plus sur cette maison d'édition, www.edition-academia.be. C'est un thriller psychologique que je vous suggère vraiment. Allez, on poursuit en musique, si vous le voulez bien, avec Bella Roux, Vilain d'anglais, Laiga Verde. Et ça, c'est un groupe italien. Alors, pour la petite histoire, après des années à voyager et à jouer de la musique de danse traditionnelle en Italie et en Europe, quatre jeunes musiciens ont décidé d'unir leurs forces dans le projet Ballarou. En projet, en dialecte piémontais, ça veut dire « ceux qui aiment danser ». Ballarou, qui est composé de Andrea Beltrando, de Francesco Cavallero, d'Andrea Lopomo et d'Ilario Olivetti. Ils se sont fixés comme but de reconvertir sur la scène européenne les danses traditionnelles de leur province du Piémont, au nord-ouest de l'Italie. Alors, dans cet album Gravure, d'où est extraite la chanson sortie en 2018, vous pouvez écouter des airs provenant de différentes régions du Piémont, ainsi que des compositions originales, comme celles que nous allons entendre. Tous sont arrangés pour être dansables, non seulement comme danse locale, mais aussi dans le style des bals folk. Ensuite, il y aura Sam et Violette, un duo, ils nous chanteront Oklahoma. Et puis, les Québécois de Kim aurait cru, avec Parti Gaspésien, extrait de leur album Gaspésie 2016. Alors, la Gaspésie, attention, prenez note parce que je vais interroger. Alors, c'est une péninsule située au centre-est du Québec, à l'est de la vallée de la Matapédia. Elle est entourée des eaux du fleuve Saint-Laurent au nord, du golfe Saint-Laurent à l'est et de la baie des Chaleurs au sud. Le nom gaspésien, de Gaspésie en fait, est un dérivé du mot Gaspé qui lui-même est un dérivé du terme Micmac Gespeg, ce qui signifie fin des terres. Je vous ai parlé de la baie des Chaleurs. Eh bien, sachez que le nom de la baie des Chaleurs a été donnée par l'explorateur français Jacques Cartier, qui, en raison de la brume qui la recouvrait lorsqu'il l'a découverte, lui donna une fausse impression que l'eau était chaude. Les Micmacs, encore eux, appelaient cette baie Mowebaktabak, ce qui signifie « grande baie ». Alors, qui est Jacques Cartier? Vous allez en apprendre des choses aujourd'hui. Eh bien, c'est un Breton qui était mandaté par le roi de France, François Ier. Il abordera en 1534, le golfe du Saint-Laurent, et explora le territoire alentour qu'il nommera Canada. Et en fait, le mot Canada vient de la langue des Iroquois, Kanata, avec un K, ce qui signifie village. Et on va terminer par les Micmacs, parce que je sais, certains d'entre vous savent peut-être pas ce que c'est. En fait, c'est un peuple autochtone de la côte nord-est de l'Amérique. Ils font partie des peuples algonquiens. Il y a aujourd'hui 28 groupes distincts de cette ethnie au Canada. Voilà, qu'allons-nous faire d'autre? Eh bien, moi je vous propose tout de suite, bien sûr, d'écouter de la musique. Mon père veut me marier à un Anglais, mais veut donner. Surveille toute sa foi qu'il est français. Moi je le dis en vérité qu'il est anglais. Arrive l'heure de souper, l'anglais la peigne il veut couper. Couper le diable c'est le mien, bilan d'anglais. Y a encore des filles dans mon pays pour me servir. Arrive l'heure de minuit, la belle dit à son époux, la belle dit à son époux, embrassons-nous, puisque y a ben un mari et vous nous aimez. Thank you. Les effets secondaires courants des vaccins contre la COVID-19 sont similaires à ceux des autres vaccins. Douleur ou gonflement au point d'injection, fièvre, frissons, fatigue et maux de tête. Dans la plupart des cas, ces effets sont attendus. Communiquez à votre fournisseur de soins si vous avez une rougeur, une sensibilité ou une douleur à l'endroit où vous avez reçu l'injection qui augmente après 24 heures ou si les effets secondaires ne disparaissaient pas après quelques jours. Ce message vous est présenté par l'UNESCO, l'OMS et votre station de radio locale. Je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Tu me coupes pas, t'écoutes. Et puis de toute façon, même si t'as quelque chose à dire, ça changera rien parce que ce que j'ai à te dire, c'est comme ça, puis c'est tout. D'accord ? Si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, vous écoutez La Croisière Folle. À petite dose, ça calme les anxiétés. Mais à haute dose, mélangée à l'alcool, ça devient un antidysleptique hallucinatoire puissant. Si vous avez envie de communiquer avec nous, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de regarder quelques vidéos, eh bien, sachez que nous avons une page Facebook. Yes, we have a Facebook page. Just Facebook. Et le nom de cette page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Please, don't hesitate to like our Facebook page. I speak English well. I learn it from a book. Et si vous êtes un artiste, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit mot via la page Facebook, donc La Croisière Folk, et nous serons heureux, bien sûr, de diffuser votre album dans notre émission. I appreciate that on first viewing, he seems a little eccentric. La Croisière Folk, eh bien, sachez-le, chez nous, il y a du folk à tous les étages, et sur la terrasse, il y a des bananes. There are Martians who have been exiled from Mars for looking weird, who look less weird than this guy. Bonne écoute, et puis merci de votre fidélité. Sir, there are some people here. They speak a very strange French. They say you invited them? Common side effects of the COVID-19 vaccines are similar to those of other vaccines. Pain or swelling at the injection site, and fever, chills, tiredness, and headache. In most cases, this is expected. Contact your care provider if there is redness, tenderness, or pain where you got the shot that increases after 24 hours, or if side effects do not go away after a few days. This message is brought to you by UNESCO, WHO, and your local radio station. They say I walk too fast, and I'm always alone. I always get to where I'm going, but I'm never near home. I see children smile, I see light in their eyes, but my heart, it feels so alone. If I could get to where I'm going, well, maybe I'd find home. But I'm gone, yes I'm gone, and I feel the weight of the world crushing me down. I am down, will you pick me up? Will you help me fight this night? I wish that I were strong as you, and I could fight this night. Will you pick me up? Will you help me fight so I don't feel alone? I see trains go by, I watch them every day. If they could take me where I'm going, well, I'd leave today. I would be so brave, I would be so strong, I would stand like a man. If they could take me where I'm going, well, I'd leave today. But I'm gone, yes, I'm gone, and I feel the weight of the world crushing me. Fight this night. seconds go by. I watch them every day. Nous voilà enfin, la fête se mène. On l'attendait depuis longtemps. De Gaspé aux îles de la Madeleine, l'écho d'un grand rassemblement. Ça va virer, c'est un soir. François va sortir son violon. Ça va brasser dans mon salon. Même si en ville on est bien loin, je te jure que ça va faire du bien. Viens à mon party gaspésien. Ça va brasser dans mon salon. Même si en ville on est bien loin, je te jure que ça va faire du bien. Viens à mon party gaspésien. Même si en ville on est ben loin, je te jure que ça va faire du bien. Viens à mon party gaspésien. Qui m'aurait cru et leur chanson Parti Gaspésien. Grâce à eux, eh bien, j'ai fait des recherches et vous avez appris plein de choses. Vous savez maintenant qui sont les Micmacs, la Gaspésie et Jacques Cartier. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, la croisière folk. Moi, je vais vous présenter Rumba Hispano-Belga. Alors, en 72 chansons, 72 et 63 pages, Miguel Menéndez nous plonge, grâce à ce livre, dans l'histoire musicale de l'immigration espagnole en Belgique. Alors, il faut savoir que ici en Belgique, on parle beaucoup de l'immigration italienne, que c'est vrai que l'immigration italienne, on parle beaucoup des artistes. Hein. S'il n'y avait pas eu l'immigration italienne, il n'y aurait pas eu Sandra Kim, mais on n'aurait jamais gagné l'Eurovision. Il y a Adamo aussi qui est sympa. Et il y a aussi eu les Espagnols. Parce que savez-vous que dans les années 70, il y avait plus de concerts de flamenco du côté de la Rue Haute. La Rue Haute, ça se situe dans le centre de Bruxelles, que dans des villes comme Valence, par exemple. Et moi, je vous propose d'écouter un petit extrait de cette interview où Miguel répond à la question de savoir combien, en fait, de 45 tours ont été pressés durant l'époque où ces chanteurs étaient actifs en Belgique. Et une chose qui est importante de vous dire, un de ces immigrés espagnols et celui qui a chanté la chanson « Takatakata », Paco Paco, une chanson qui était reprise, bien sûr, par Jo Dassin. Because, dude, you rock. Non, non, il n'y a pas un registre, c'est des labels privés, la plupart. Alors, je ne sais pas vous dire, mais plus de 300, oui. Donc, vous dites que c'est les restaurants comme Casa Manuel qui, eux-mêmes, faisaient les disques donc des artistes qui passaient chez eux ? Oui. Il payait l'enregistrement, il payait la fabrication de disques, peut-être sur un label belge, mais c'était eux qui s'occupaient de presser ça. Et il y a beaucoup de disques qui sont pressés par les restaurants, juste pour promouvoir leurs artistes, c'est une carte de visite. On connaît le flamenco hein, comme musique en Espagne, mais dans votre livre, vous parlez de rumba, qui pour nous, est associé plutôt à de la musique sud-américaine. Ça fait partie de la culture flamenco, ça, la rumba ? Oui, la rumba, c'est le style le plus festif de flamenco et elle vient de Cuba. Il y a la rumba cubaine et puis elle s'est mélangée avec les influences de la musique des gitans, le flamenco gitan. Et c'est ça qui donne la rumba catalane, par exemple. Avec le mambo, le son, on mélange le flamenco des gitans avec le mambo et ça donne la rumba catalane. Mais il y a la rumba, c'est le chant de ida y vuelta qu'on appelle, demande-réponse. Je sais pas comment on dit ça. Voilà, il y a quelqu'un qui donne une phrase et un groupe qui répond. Vous voyez, c'est un peu ça la musique cubaine, qui vient d'Afrique d'ailleurs. Et puis elle s'est mélangée, on a commencé à faire ce type de musique en Espagne, dans le style flamenco. Et c'est cette musique qui était très populaire, très festive, la préférée pour les migrants. Du coup, les artistes, ils jouaient ce type de musique pour faire plaisir aux migrants. Il y a aussi 3 CD hein, dans le livre, ça fait 72 chansons. Comment vous avez fait le choix des chansons? Parce que vous dites que vous avez 250 45 tours pour le moment. Il n'y a que, et je mets que entre parenthèses, 72 chansons. Alors vous avez choisi comment? J'ai choisi plutôt des morceaux festifs, des morceaux des groupes plus célèbres de l'immigration. Alors si vous voulez en savoir plus un petit peu sur cette histoire musicale de l'immigration espagnole en Belgique, vous allez sur soundcloud.com, sur les interviews d'Eric Cooper, et vous cherchez donc Rumba Hispano-Belga ou l'histoire musicale de l'immigration espagnole en Belgique. Alors Miguel Menéndez, il est retourné en Espagne, il nous écoute peut-être de là, je le salue. Thank you. suivi. Allez, il est temps de se quitter. J'espère que vous avez passé une heure agréable. Je rappelle, nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker, cette page. Et si vous avez des petits commentaires à faire ou des photos à nous envoyer, peut-être de l'endroit... Le fleuve Saint-Laurent, il y en a peut-être qui nous écoutent sur le bord du fleuve Saint-Laurent. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Et on se quitte avec un groupe qui nous vient de Pologne, Capella Ziwi Warszawa. C'est Polka Story. Merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et à la semaine prochaine. I'll be back. Madam, would you like me to ask this individual to dress appropriately? The force will be with you. Always.